Chouette petite ville. Très chouette. Une chouette petite ville, mes fesses. C'est du chouette petit argent qu'on veut. Un pour la monnaie. Deux pour ta perte. C'est un pour la monnaie. Deux pour ta perte. Le monde est contrôlé par des mains si peu expertes. C'est un pour la monnaie. Deux pour ta perte. Ici, ici, ici. Ça se parle pas, ça se regarde pas et ça vit à côté pourtant. À part l'argent pour les gens, y'a plus grand chose qui est important ces temps. Partant de zéro, qu'on s'aperçoit en gros que la vie est dure. Surtout que depuis le début ici, nos parents se serrent la ceinture. À tout prix, par tout moyen, s'enrichir sans mettre plein les mains. Plein les poches car les sacoches sont vides et percées d'où l'on vient. On se débat, on se débrouille, donc on fouille où personne ne va. Chemin dangereux comme marcher pieds nus sur des gravats. Ça grave autour de nous, ça se dégrade et tout le monde s'en fout. Chacun pense à sa gueule et pour des sous, combien sont prêts à tout. Me souviens d'où je viens et où je vais, ça aussi je le sais. Sans monter sur les autres, moi la sortie, je veux te la trouver. On a prouvé notre efficacité devant un chromie. On nous a dit conscient, mais c'est les autres qui sont endormis. Qui se sont laissés endormir, qui se sont laissés bercer. Qu'ont baissé leur froc pour réussir et mieux percer. Tu sais, la course au bénéfice, combien confondent commerce et usure. L'argent fera ton bonheur ou ton malheur futur, ça je te le jure. Je te le dis, vaut mieux voir ça comme un moyen. Pas se faire bouffer par le fric, mais se dire qu'avec tu boufferas bien. C'est la course au bénéfice, combien confondent commerce et usure. L'argent fera ton bonheur ou ton malheur futur, ça je te le jure. Vaut mieux voir ça comme un moyen. Pas se faire bouffer par le fric, mais se dire qu'avec tu boufferas bien. Du bien autour de nous, y'en a trop peu car le PES transforme l'ami en ennemi. Y'a que du sevis sans limite, sans borne. L'argent ça tourne la tête, ça te change et puis ça t'étrangle. Et toi pour en avoir, dis-moi qu'est-ce que t'es prêt à vendre. Quel jour es-tu prêt à tendre? Qui es-tu prêt à descendre? Qui feras-tu taire pour mieux pouvoir te faire entendre? En bas, c'est pas la joie, on n'a pas tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on voit, on le convoite. Et ce qu'à l'autre, on veut toujours mieux. C'est malheureux à dire, mais y'a clair qu'on respire qui est à l'œil. Tout s'achète et se vend, même ce que j'écris le soir sur ma feuille. Du pognon j'en veux, mais je cautionne pas tous les moyens d'en faire. Je veux ce qu'il faut pour vivre, pas comme Rockefeller le légendaire. Y'en a qui deal, y'en a qui volent, y'en a qui prennent chez les plus faibles. Y'en a d'autres qui savent, et qui entre eux s'entraident. Y'a ceux qui perdent tout le temps, et qui sont tout le temps dans la merde. Y'a ceux qui s'en sortent, et qui agissent en stress. C'est la course au bénéfice, combien confondent commerce et usure. L'argent fera ton bonheur ou ton malheur futur, ça je te le jure. Je te le dis, vaut mieux voir ça comme un moyen. Pas se faire bouffer par le fric, mais se dire qu'avec tu boufferas bien. C'est la course au bénéfice, combien confondent commerce et usure. L'argent fera ton bonheur ou ton malheur futur, ça je te le jure. Je te le dis, vaut mieux voir ça comme un moyen. Pas se faire bouffer par le fric, mais se dire qu'avec tu boufferas bien. Entre chien et loup, la chasse est ouverte. Quand dans les poches t'as rien. Entre chien et loup, la chasse est ouverte. Quand dans les poches t'as rien. Entre chien et loup, la chasse est ouverte. Quand dans les poches t'as rien. Entre chien et loup, la chasse est ouverte. Quand dans les poches t'as rien. Entre chien et loup, la chasse est ouverte. Quand dans les poches t'as rien. Entre chien et loup, la chasse est ouverte. Quand dans les poches t'as rien. Entre chien et loup, la chasse est ouverte. Quand dans les poches t'as rien. Entre chien et loup, la chasse est ouverte. Quand dans les poches t'as rien. Entre chien et loup, la chasse est ouverte.